LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Les cosmographes, Céline Lozen, Marie Placet. Nous y sommes. Je veux dire, c'est quelque chose que nous espérions tous quand nous avons commencé il y a 40 ans. Et waouh, quand nous avons vu ces données pour la première fois il y a un an, c'était vraiment époustouflant après autant d'années. En quittant l'héliosphère et en mettant les voiles sur les mers cosmiques entre les étoiles, Voyager a rejoint les autres voyages historiques d'exploration, tels que le premier tour du monde ou le premier pas sur la Lune. Cette étape historique est encore plus excitante, car elle marque le début d'une nouvelle ère d'exploration pour Voyager. L'exploration de l'espace entre les étoiles. 25 août 2012, la NASA fait une annonce. La sonde Voyager 1 quitte la frontière du système solaire. Envoyée en 1977, elle poursuit son voyage et entre dans l'espace interstellaire. En passant le cap, elle nous envoie une carte postale sonore, un peu brouillée. Après les planètes, la sonde plonge dans un océan d'étoiles, des centaines de milliards, regroupés dans un même système qu'on appelle galaxie, notre voie lactée. Troisième épisode, Galaxie, tracer la voie. Je suis Françoise Combes, je travaille à l'Observatoire de Paris, je suis aussi professeure au Collège de France dans le domaine galaxie et cosmologie. Alors, la Voie lactée, pourquoi elle s'appelle Voie lactée? Déjà, les anciens voyaient dans le ciel une bande très longue, laiteuse. Donc, ils pensaient que c'était la Voie lactée. Il y avait la mythologie grecque qui avait essayé d'interpréter en disant que Zeus, qui avait sa femme Héra, et qui avait aussi un fils adultéré, en fait, avec une maîtresse non déesse, c'est-à-dire immortelle. Donc, il voulait que son fils soit immortel. Donc il puisse téter au sein de sa femme Héra, et donc Héraclès commençait, il l'avait mis pendant qu'Héra est en train de dormir, mais elle s'en est rendue compte et finalement elle a repoussé le fils illégitime, mais finalement une grande traînée de lait intérieure dans l'espace. Bon, tout ça c'est très imagé, mais enfin ça veut bien dire qu'on a l'impression qu'il y a une bande faite de lait, de nébuleuses blanches. Et pour l'instant, personne ne savait de quoi était faite cette traînée dans le ciel, et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres voies lactées, donc on a appelé galaxie, pour galaxie, le lait en fait, toujours, seulement en 1926. On ne se rend pas compte qu'on s'est aperçu ce qu'était la voie lactée qu'il y a moins d'un siècle. Donc, que s'est-il passé entre-temps, hein, si on regarde tous les siècles, faire l'histoire? Donc, il y a tout de même des étapes. Dans l'Antiquité, le monde, c'était notre univers, la Terre seulement. Puis, on a pensé aux planètes, on a regardé la sphère des fixes, on pensait que tout était fixe. Et on a pris du temps à savoir que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Donc ça a été la révolution de Copernic en 1500 après Jésus-Christ. Et donc il a commencé à comprendre, en regardant le mouvement des planètes, que le Soleil était au centre et que toutes les planètes tournaient autour. Et puis peu à peu, Galilée en 1640 a confirmé bien sûr que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Et surtout, il a été le premier à regarder avec une lunette, donc un outil qui permettait d'agrandir les astres et de mieux voir ce qui se passe. Donc il a vu que les étoiles fixes n'étaient pas à un moment si fixes que cela. D'abord, il y avait autour des planètes comme Jupiter, il y avait des satellites qui tournaient autour. Il a regardé les phases de Vénus, il a regardé beaucoup de choses qui bougeaient. Mais tout cela, c'était pas encore, on était loin de la Voie lactée, etc. Et ce n'est qu'en 1905-1910 qu'on commence à avoir des indicateurs de distance. En fait, tout cela vient du fait qu'on savait pas, y a pas de relief, hein, on ne savait pas où était la distance. La distance a été obtenue par Henrietta Leavitt, une astronome américaine, qui était à l'époque, faisait partie de ces femmes ordinateurs qu'on employait pour faire du calcul, c'est tout, parce que les femmes n'étaient pas accepté dans les observatoires. La femme astronome, ça a été en 1960. Hein. Elle avait eu la présence d'esprit de regarder qu'il y avait des étoiles qui étaient variables. Elle a découvert 2000 étoiles qui étaient périodiques même, qui avaient une luminosité qui variait de façon sinusoïdale, qu'on appelait céphéides. Et elle a remarqué qu'il y avait une relation de proportionnalité entre la période de cette variation, qui était de l'ordre de 3 semaines à un mois, et puis la luminosité intrinsèque de l'étoile. Donc si on a la luminosité propre et on a la luminosité apparente, on a la distance. Donc ces céphéides étaient un indicateur de distance, donc elle aurait dû même avoir un prix Nobel pour cela, parce que c'est là-dessus qu'a été bâtie la cosmologie en 1920-25. Et puis ensuite, grâce aux travaux d'Henrietta Leavitt, Edwin Hubble a regardé des galaxies et s'est dit « je vais essayer de trouver des céphéides ». Et dans la nébuleuse d'Andromède, il a trouvé des céphéides et il a pu montrer que cet objet était à 2 millions d'années-lumière et non pas très proche, n'était pas dans notre propre Voie lactée. Donc il a vraiment établi qu'il y avait des mondes à part, ce que Emmanuel Kant avait eu l'intuition au XVIIIe siècle. Il doit exister des mondes à part, mais c'était quelque chose de métaphysique et une intuition, mais il n'y avait rien qui permettait de le prouver. Donc là, c'était prouvé, on avait des objets qui étaient vraiment très très loin. Ensuite, il y a eu les travaux de William Herschel qui ont essayé de cartographier cette Voie lactée. Donc, il avait quelques étoiles et pour savoir leur distance, il avait fait une hypothèse très simple. Chaque étoile doit rayonner la même chose. Alors, c'était pour simplifier, hein, bien entendu, il y a des étoiles plus brillantes que d'autres, mais en gros, si on veut être très grossier, à l'ordre zéro, on peut dire qu'elles ont la même luminosité. Et il supposait donc que les plus faibles, qui nous apparaissaient les plus faibles, étaient les plus lointaines. Simplement, elles étaient affaiblies par la distance. Et donc, ce qu'il s'est aperçu, c'est que le Soleil était au centre et que toutes les étoiles étaient autour de nous. Donc, ce modèle était très, très grossier, mais complètement faux, en fait, parce qu'il avait oublié la poussière. Il y a beaucoup de poussière entre les étoiles, la poussière du milieu interstellaire, et qui est faite de petites particules de silicium, de carbone, etc., et qui absorbent. En fait, ils ont la taille de la longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire 0,5 microns. Donc à 0,5 microns, lorsque la lumière frappe la poussière, elle est complètement absorbée. Donc les étoiles qui sont derrière la poussière sont affaiblies et même ne se voient plus. Et puis la taille de la galaxie, donc on commençait à en avoir une petite idée, c'est plutôt 24 000 années-lumière. On sait depuis que notre galaxie s'étale en fait sur 100 000 années-lumière, dans une forme de spirale qui baigne dans un milieu de poussière d'étoiles. Quel lien entre les étoiles et ces poussières qui coexistent dans la Voie lactée ? À Nice, un spécialiste étudie la question. Donc je m'appelle Éric Lagadec, je suis astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Nous le rejoignons dans son coin de paradis, l'Observatoire de la Côte d'Azur, au sommet d'une pinède, entre mer et montagne. Ben là, on est du côté nord de l'Observatoire. Donc c'est les bâtiments de recherche, les bâtiments les plus récents. Moi je travaille ici au pavillon qui s'appelle Évry Schatzmann qui était un des pères de l'astrophysique française. Et là on va se diriger vers ce qu'on appelle la crête. C'est vrai que moi j'étudie la poussière en général, dans le milieu interstellaire, mais surtout autour des étoiles en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est partout dans l'univers. Donc on en parle souvent, les gens n'ont pas forcément la moindre idée de à quoi ça ressemble. Et c'est important parce que ça a un impact sur toutes les étoiles. C'est-à-dire que toutes les étoiles qu'on observe, il y a de la poussière entre nous, ces étoiles, ça va affecter la façon dont on voit les étoiles. Donc c'est la raison principale pour laquelle on étudie la poussière d'étoiles, c'est pour l'enlever. Mais moi, vraiment, je suis intéressé à essayer de la comprendre, à voir comment se forme cette poussière d'étoiles. Donc quand les étoiles meurent, à quoi ça ressemble, comment ça va repartir dans le milieu interstellaire, donc le milieu entre les étoiles. C'est quelque chose que je fais depuis un peu plus de 20 ans maintenant, c'est toujours sympathique. Il faut bien comprendre aussi qu'ici, bon, à l'Observatoire, on analyse beaucoup d'images et de mesures, mais qui ne sont pas faites ici. On n'observe pas, en fait, ici. Exactement, les observations scientifiques, c'est un petit peu partout dans le monde. Maintenant, ici, on a des gens qui observent au Chili, comme moi, par exemple. J'observe beaucoup au Chili, sans forcément y aller, d'ailleurs. Il y a des observations qui se font en Antarctique, ça fait depuis les années 70, on travaille beaucoup en Antarctique. Il y a des choses qui se font à Hawaï, des choses aux Canaries, puis dans l'espace avec notamment la mission Gaïa, le James Webb qui a été lancé le 25 décembre 2021, qui permet de faire pas mal d'observations, notamment pour la poussière que j'étudie. Donc il y a beaucoup de choses qui se font un peu partout. Et là on a la chance, si on voit, si vous regardez vers l'horizon. Donc on voit vraiment tout, on voit d'est en ouest toute la ville avec les montagnes derrière, avec la mer. On voit jusqu'au Cap Camara qui est au niveau de Saint-Tropez, qui est à plus de 50 km d'ici. Juste devant, il y a les îles de Lérins. Encore devant, il y a le Cap d'Antibes. Le gros polder, c'est évidemment l'aéroport. D'ailleurs, on voit un avion qui atterrit. Donc là, toute la bande, c'est la baie des Anges. Juste à droite, on a le Vieux-Nice. À gauche, on a le port avec un bateau qui part en Corse, d'ailleurs. Il y a un truc rigolo, vous voyez la fumée, là. Tous les jours, à midi, il y a un coup de canon. Et là, comme le son va moins vite que la lumière, on va l'entendre juste maintenant. Alors, racontez-nous un peu de quoi sont faites ces poussières interstellaires. Qu'est-ce qu'on y trouve quand on dit qu'on est fait de poussière d'étoiles ? En fait, les poussières, c'est quelque chose... Tout le monde a entendu, je pense que cette phrase a été rendue populaire par Hubert Reeves. Ça venait à l'origine plutôt de l'américain Carl Sagan. Mais en fait, je pense que c'est important de le réattribuer. Le fait qu'on sache aujourd'hui que nous sommes des poussières d'étoiles, ça vient des travaux d'une chercheuse qui s'appelle Margaret Burbridge, qu'on oublie souvent. Et c'est une femme qui a eu beaucoup de difficultés à faire de la recherche quand elle a commencé à observer. Elle voulait observer l'observatoire du Mont Wilson. On lui a interdit l'accès à l'observatoire parce que l'excuse officielle, c'est qu'il n'y avait pas de toilettes pour femmes. Elle est retournée en Angleterre, elle a continué à travailler et elle a sorti un papier en 1957 qui est un papier référence et qui explique justement comment tous les éléments de l'univers ont été formés. C'est quelque chose qui fait encore référence depuis. C'est vraiment pour moi l'un des plus grands papiers de l'histoire de l'astrophysique. Et le fait qu'on sache aujourd'hui que nous sommes des poussières d'étoiles, ça vient en grande partie de ses travaux. Donc c'est important de rappeler que c'est une femme qui a fait ça, Margaret Burbridge, qui a fait ces travaux hyper importants. Mais ce qu'ils expliquent là, même quand Hubert Reeves en parle, il explique nous sommes des poussières d'étoiles, il explique surtout qu'au centre des étoiles, on a des forges à éléments. Donc il fait très chaud, c'est très dense. Dans l'univers, on a principalement de l'hydrogène et de l'hélium, qui sont les éléments les plus simples, les plus petits. Ben, par fusion, donc on va avoir des atomes petits qui vont former des atomes plus grands, on va former des nouveaux atomes. Ce qu'il faut, si on veut vraiment enrichir la galaxie, il faut créer ces atomes, les faire remonter à la surface et les faire partir. Donc on les crée par réaction nucléaire dans le cœur. Après, il y a quelque chose qui s'appelle la convection qui va les faire remonter. Donc la convection, j'aime bien expliquer à mes étudiants, c'est ce qu'ils font quand ils font cuire des pâtes. Je suis sûr qu'ils le font assez souvent, ils connaissent bien l'expérience. Donc il y a des bulles qui montent et qui redescendent, donc ça fait remonter à la surface ce qui a été créé. Et donc pour les étoiles, comme le Soleil, ce qui se passe après, c'est que elles vont, la convection et la pulsation, donc ces étoiles, elles vont changer de dimension. Elles grandissent, elles deviennent plus petites, il y a des bulles qui montent et qui descendent. Ça va faire que par moment, la matière va se trouver loin de la surface. Donc on va avoir du gaz qui va être assez froid. Et par moment, il y aura même des chocs. Donc s'il y a des chocs, on aura du gaz froid et dense. Ça va rendre le gaz solide. Et c'est là qu'on forme la poussière. Donc la question, à quoi ressemble cette poussière ? Il y a deux types de poussière autour de ces étoiles. Soit elle va être riche en carbone, soit elle va être riche en oxygène. La poussière riche en carbone, c'est des petits grains d'un millième de millimètre qui ressemblent un petit peu à de la suie. Donc ça s'appelle la poussière carbonée. Et de l'autre côté, si elle est riche en oxygène, on aura ce qu'on appelle des silicates. C'est des petits grains de sable. C'est formé à partir de... Il y a du magnésium, de l'oxygène, du silicium, de l'aluminium. Et ça forme des grains de sable de différentes couleurs. Et les tailles typiques, c'est aussi à peu près un millième de millimètre. Donc c'est à quoi ressemble à peu près la poussière. Et un résumé rapide de comment se forme cette poussière et de ce que j'étudie depuis à peu près 20 ans. En fait, la poussière, elle a été découverte que récemment. La poussière, c'est au début du XXe siècle, on n'était pas sûr qu'elle existait. Le gaz dans l'univers, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a du gaz. La poussière, ça a mis plus de temps, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui coupait la lumière des objets lointains. Donc en gros, les objets lointains recevaient moins de lumière. Donc la question, c'est qu'est-ce qui empêche la lumière d'arriver ? Ils ont fait pas mal de mesures, on a commencé à avoir des détecteurs, des capteurs qui pouvaient faire des mesures quantitatives, donc vraiment mesurer la quantité de lumière qu'on recevait. Et on s'est rendu compte que donc plus c'était loin, moins on recevait de lumière, et plus la lumière des étoiles apparaissait rouge. Donc il y avait quelque chose qui enlevait en gros la lumière bleue et qui absorbait une partie, et donc on s'est rendu compte qu'il devait y avoir des petites choses d'à peu près la taille de la lumière visible, et c'était ces grains de poussière. Donc c'est grâce à ça qu'on a découvert la présence de poussière, et depuis ça a été vérifié, c'est-à-dire que là, les premières observations, si on regarde dans le visible comme avec l'œil par exemple, la poussière va absorber la lumière, donc on n'en recevra pas une partie, mais la poussière a comme propriété d'émettre dans l'infrarouge. Donc à partir du moment où on a eu des détecteurs infrarouges, après la Seconde Guerre mondiale, quand on a fait des cartes des endroits où on savait qu'il y avait de la poussière qui absorbait, là on a vu qu'il y avait de la poussière qui émettait, donc on voyait de l'émission de poussière. Et petit à petit, comme ça, on arrive à faire des cartes de la poussière dans la galaxie. C'est ce qui est fait notamment avec Gaïa actuellement, qui permet de faire même une carte en trois dimensions de la poussière dans toute notre galaxie qui est hyper importante pour l'astronomie, parce que moi la poussière je l'étudie pour la comprendre, pour voir comment elle s'est formée, mais la plupart de mes collègues veulent l'enlever pour étudier les étoiles. Donc du coup Gaïa permet ça, de faire cette cartographie 3D de la poussière et de l'enlever, donc de pouvoir mieux étudier les étoiles. Pour cartographier la Voie lactée, les astronomes doivent connaître la position et le mouvement des étoiles. Pour y parvenir, l'Agence spatiale européenne a lancé en 2013 le satellite spatial Gaïa pour scanner la galaxie. Ouais, là, on va aller retrouver François Mignard qui est au bâtiment d'à côté. Donc on va juste descendre les escaliers et retrouver mon collègue qui me dira certainement pas, mais qui est un petit peu l'un des initiateurs de la mission Gaïa et qui a joué vraiment un rôle majeur pour le succès de cette mission qui a permis de cartographier plus d'un milliard d'étoiles dans la galaxie. Donc le dernier catalogue a été publié au mois de juin à Nice, justement. C'est ce qu'on appelle l'astrométrie, c'est la mesure de position des étoiles. Et François est un des pionniers, l'un des leaders dans tout ça. Et c'est un petit peu une encyclopédie vivante aussi. J'aime bien dire, à l'observatoire, on a un jeu, c'est tous les jours, on se pose des questions. Il y a la question du jour, et il y a deux règles à la question du jour, c'est qu'il n'y a pas le droit de chercher sur Internet pour la réponse, ni de demander à François Mignard. Ça, il ne le sait pas. Bonjour. Avec des gens qui viennent t'écouter parler. T'es en visio ? François Mignard, je suis directeur de recherche mérite au CNRS. J'ai passé l'âge normalement d'être encore dans un laboratoire, mais le système des méritats permet de continuer l'activité. Et donc je suis à l'Observatoire de la Côte d'Azur depuis 1974. Même si c'était pas encore l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et ma spécialité, c'est l'astronomie fondamentale. Donc, on va dire l'astronomie de position, les aspects un peu mathématiques plutôt de l'astronomie, plutôt que l'astrophysique et la physique des étoiles, ou les instruments. Je ne suis pas du tout instrumentaliste, par exemple. Mais je suis plutôt porté sur les calculs, les développements informatiques et les aspects qui concernent l'astronomie qu'on appelle traditionnelle. Position, déplacement des astres. Donc la mission Gaïa, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne. Donc ça veut dire que ce sont l'ensemble des parties, des pays qui sont membres de cette association d'États, qui ont décidé, dans les années 2000, de lancer un programme pour faire de l'astrométrie spatiale. C'est-à-dire dont l'objet est d'aller observer les étoiles pour avoir leur position, leur distance et leur vitesse. Mais ça, c'est une activité ancestrale dans l'histoire. C'est une activité qu'on peut considérer comme classique, mais qui a, comme pas mal d'activités scientifiques, a été renouvelée par l'accès à l'espace. Donc elle avait atteint un mur, une frontière au sol, essentiellement limitée par le fait que les rayons traversent l'atmosphère, et que pour faire l'astronomie de position, il faut des rayons qu'on connaisse parfaitement. Donc on avait une limitation, et l'espace a rouvert de nouveau cet accès à l'astrométrie. Et les astrophysiciens se sont aperçus que c'était très très intéressant, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire et à tirer d'observations classiques, purement astrométriques, à la condition d'avoir beaucoup d'objets et de la précision. Alors on cartographie l'ensemble du ciel, c'est-à-dire qu'on recense, on va dire, un peu comme les voyageurs du XVIIIe siècle recensaient les secrets de la nature en allant dans des pays qu'on n'avait jamais visités. Et ils trouvaient là des fleurs, des arbres, des animaux, des oiseaux, des poissons qu'on n'avait jamais vus, et ils en faisaient la liste. Donc au départ, recenser pour un astronome, c'est aller chercher déjà, mettre des étiquettes sur un peu toute chose. Alors on va beaucoup plus loin que mettre des étiquettes. Mais la première phase, qui est une phase scientifique, c'est de recenser. Donc avec un instrument comme Gaïa, on peut effectivement recenser l'ensemble des étoiles du ciel qui appartiennent à notre galaxie, on va dire, dans un premier temps. Donc ça, c'est le gros morceau. Il y en a 200 milliards, on n'en voit pas 200 milliards, mais on en recense au moins 2 milliards auxquels on confère réellement une étiquette, c'est-à-dire où elles sont, quel éclat elles ont, éventuellement quelle couleur, et puis on essaie d'aller plus loin en donnant beaucoup plus de paramètres que ça. Hein, bien sûr, c'est la première étape scientifique, et cette cartographie et la liste des éléments associés à chaque étoile. Position, vitesse, distance, mais il n'y a pas que ça. Il y a la couleur, il y a la température, il y a le rayon, il y a la masse, il y a la quantité de métaux, les éléments un peu lourds qu'il y a dans les étoiles. Tout ça, c'est beaucoup d'éléments à obtenir. Donc cette première étape scientifique, c'est le groupe Gaïa qui le fait. Mais le véritable bénéfice d'une telle mission, c'est ce qui va être fait derrière par les milliers d'astronomes qui vont utiliser ces données, soit avec un regard différent, une expertise différente de ce que nous avons, nous, dans Gaïa, mais aussi en les combinant avec d'autres observations. Gaïa ne fait pas toutes les observations. Gaïa n'observe pas dans l'infrarouge, Gaïa n'observe pas en ondes radio, Gaïa fait de la spectroscopie, mais on peut faire de la spectroscopie beaucoup plus fine à partir du sol, etc., etc. Donc cette combinaison, cette synergie entre différents instruments, sol ou spatiaux, et Gaïa, c'est là où est vraiment le résultat ultime de cette mission. Nous sommes là pour donner un produit fini, exploitable, qui est très très différente des données qu'on descend du ciel, qui sont totalement inintelligibles pour tout astronome, tant qu'on n'est pas passé au travers de cette grosse moulinette qu'est l'analyse de données. Donc là, on a presque, je dirais pas tous les jours, mais toutes les semaines, pratiquement en ce moment, il y a des articles qui sont publiés de groupes scientifiques qui trouvent des nouvelles propriétés de la galaxie. Bon, il y en avait un, par exemple, hier, hein, qui est sorti d'un groupe suédois qui a étudié les petits tremblements, appelons ça, de l'extérieur de la galaxie. Il a montré que l'extérieur de la galaxie est animé dans une espèce de mouvement comme une onde sur l'eau qui aurait été provoquée il y a probablement 100 millions d'années. Et il y a des restes qui se voient dans le mouvement des étoiles, hein, ces petites ondes de surface, hein, qui sont probablement dues au fait qu'il y a eu un passage d'une galaxie naine il y a probablement 200 millions d'années au travers de la galaxie, et on en voit le reste. Voilà. Puis la semaine dernière, il y en avait un autre sur d'autres sujets. Donc à la fin, bien évidemment, tout ça, ce sont des choses qui vont se combiner. Il y aura des synthèses qui seront faites 10 ans, 20 ans, qui nous donneront une image probablement assez différente de notre galaxie, de celle qu'on a aujourd'hui. La plus grosse différence sera que c'est de loin pas un objet homogène, que c'est un objet qui a une histoire compliquée, qui n'est pas formé par un effondrement il y a 5 ou 12 milliards d'années, avec des étoiles qui sont là et puis qui sont là depuis le début, mais que c'est en fait un conglomérat de différentes galaxies qui ont été plus ou moins fusionnées au cours du temps. Et cette fusion a laissé des traces, un peu comme aujourd'hui, vous pouvez avoir votre trace ADN et remonter à des ancêtres, à des groupes ethniques auxquels vous avez pu appartenir, parce qu'il y a des traces minimes qui sont restées. Et c'est pareil dans la galaxie. Elle semble, à première vue, quand on ne regarde pas en spécialiste, comme quelque chose d'assez régulier, homogène. Puis quand on regarde en spécialiste, ben, on voit des différences. In 1977, when NASA sent two Voyager space probes on a mission to chart the planets orbiting our Sun, it knew very well these probes would never return to Earth. They would continue traveling outwards, into the depths of space. Swimming in the dust. Hello from the children of planet Earth. Shalom. Tanti auguri e saluti. Konnichiwa, o genki desu ka? Shai Feng Deng Yu, Lin Ho, Lin Jia Babe. Et dans cette aventure collective, est-ce que vous vous sentez un peu comme un explorateur, un cosmographe moderne? Alors le côté historique de la mission Gaïa, pour moi, était toujours important. Mais pas parce que j'aime l'histoire d'astronomie. Que j'ai plongé depuis très longtemps dans ce qui ont fait les racines et l'évolution de l'astronomie, et de l'astrométrie en particulier. Donc, le fait de sentir que, travaillant sur un projet comme Hipparchos, son prédécesseur, ou Gaïa, allait laisser des traces dans le futur au même titre que ce qui ont été les catalogues emblématiques. Le catalogue de Ulugbek, le catalogue de Tycho Brahe, le catalogue de Ptolémée, qui semblent appartenir à l'histoire, qui sont des joyaux. Dire, ben finalement, C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire avec quelque chose qui aura à peu près la même, très probablement, hein, la même place que ces grands catalogues dans l'histoire, parce qu'ils marquent une étape, ils marquent un progrès décisif. Pour situer ça, pour montrer l'apport du spatial, entre le catalogue de Ptolémée, donc les travaux d'Hipparque Ptolémée, donc 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, et les catalogues qui ont précédé l'accès au spatial, donc le dernier catalogue qui précise la position des objets. C'est des petits catalogues, hein, c'est pas les grands recensements, c'est des catalogues fondamentaux. Donc, il s'appelait FK5, hein, son nom, Fundamental Catalogue Number 5, juste avant. Il y a eu une amélioration entre un facteur 10 000 et 100 000. C'est-à-dire, on dirait, nous, 4 ordres de grandeur, 5 ordres de grandeur dans les précisions. Et depuis qu'on a accédé au spatial, c'est-à-dire le saut entre ce dernier catalogue fondamental et Gaïa, seulement 40 ans cette fois-ci, il y a également eu un facteur 10 000. Donc c'est une révolution dans, c'est l'âge d'or de l'astrométrie, il n'y a pas de doute pour ça, ou le nouvel âge d'or, hein, Kepler a été aussi un âge d'or, Galilée un âge d'or, mais cette 40 ans ont fait à peu près le même progrès sur ce qu'est la précision qu'on a fait en 2000 ans. Donc c'est situé la puissance et la performance qui représente, ou le moyen que donne cet accès au spatial et les moyens technologiques d'observation. Donc pour moi, c'est un élément important, mais c'est pas forcément tous les participants qui ressentent ce lien avec l'histoire. Hein. Moi, je l'ai vécu comme ça, et à plusieurs reprises, j'ai dit que le vrai succès de Gaïa, à la fin, c'est quand les gens l'utiliseront sans le citer. C'est-à-dire qu'on l'utilise, mais on ne dit pas Gaïa, un tel, il n'y a plus de citation. C'est le bien commun. Pour moi, c'est le succès ultime. Voilà. Je pense que ça arrivera, et plus vite qu'on ne le pense, puisque il n'y a plus de compétiteurs. Il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de base de données équivalente. Après, c'est des bases de données spécialisées, hein. Il ne fait pas tout Gaïa. Mais dans ce qu'il fait, qui est si utile pour toute l'astronomie, il n'y a absolument pas son équivalent. Ça va remplacer ça. Ça a écrasé la concurrence. Même à un moment donné, il y avait des propositions américaines, des propositions allemandes. Et on disait, avec mes collègues du groupe scientifique à l'ESA, on disait, Gaïa est trop bon. Il écrase tout, quoi. Il n'y avait pas la place pour un projet concurrent parce que la barre était trop haute. Donc, c'est ce qui se passe. Il y a ce catalogue, cette base de données, c'est plus qu'un catalogue. Il nourrit beaucoup trop d'astronomes maintenant pour qu'on l'oublie, quoi. C'est pas possible. Il va rester dans l'histoire de l'astronomie. Au moins, c'est une motivation personnelle. Mon nom n'existera pas. C'est pas important. Hein. Mais le fait d'avoir travaillé sur cet instrument et cette étape de l'astronomie, moi qui fonctionne avec l'histoire, ça me ravit. Après Gaïa, d'autres instruments sont lancés pour observer l'univers encore plus loin. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8. Noël 7, 2021, 6, le James Webb Space Telescope est envoyé depuis la base spatiale de Kourou à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Allumage UAP, décollage. Décollage, lift-off from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Ce télescope doit offrir à l'humanité entière un nouveau panorama du cosmos. Trajectoire nominale. Parmi ses missions, le télescope doit observer des galaxies, des étoiles et aussi des planètes qui peuvent tourner autour, des exoplanètes. Une aubaine pour Elodie Choquet, chasseuse d'exoplanètes au laboratoire d'astrophysique de Marseille. On attend beaucoup de choses en termes d'observation des exoplanètes avec le télescope James Webb. Donc pas tant pour la partie détection de nouvelles exoplanètes, peut-être quelques-unes, mais on va surtout utiliser le James Webb pour caractériser celles qu'on connaît déjà. Parce qu'on a vraiment un télescope qui est très grand, qui est très sensible, et disons que sa spécialité, justement, ça va pouvoir de collecter tous les photons des planètes qu'on connaît pour pouvoir caractériser leur atmosphère. On peut aussi chercher des nouvelles planètes avec le télescope, mais disons que c'est un petit peu moins optimisé, ce serait un petit peu de la perte de temps pour James Webb, alors qu'il est vraiment, c'est vraiment une machine super puissante pour caractériser les atmosphères des planètes. Donc là, récemment, il y a une équipe dont je fais partie avec d'autres chercheurs français. On a justement publié la première image d'exoplanète observée par JWST. Donc c'est l'image que vous voyez ici. Et donc ça montre la planète ici dans quatre différentes bandes, à quatre longueurs d'onde, on va dire, dans l'infrarouge proche et dans l'infrarouge moyen. Son petit nom, c'est HIP65-426B. Alors ça correspond à quoi cette nomenclature un peu bizarre ? Oui, donc HIP65-426, c'est le nom de l'étoile. Et donc quand on détecte une exoplanète, on est très créatif, on l'appelle B ou C ou D en fonction de combien de planètes on trouve. Après le nom de l'étoile, donc HIP65-426, en général les étoiles elles ont plusieurs noms en fonction des catalogues dans lesquels elles sont répertoriées. Donc là, HIP quelque chose, c'est le nom à l'intérieur du catalogue Hipparcos. Donc c'est Hipparcos. Après, c'est Gaïa. Ouais, exactement, voilà. Donc voilà, donc ça c'est son petit nom. Et donc ça, ces images-là, elles sont très belles parce qu'elles ont été traitées, justement, elles ont été optimisées. Les images brutes, quand on les reçoit, elles ressemblent plutôt à ça. Vous voyez que, ben, on voit que l'étoile, en fait. Nos images, elles sont vraiment dominées par l'étoile qui prend vraiment toute la place dans l'image. Et donc, il faut vraiment masser, malaxer nos images pour arriver à les nettoyer et puis à afficher la planète qui nous intéresse. Et ensuite, à partir de là, eh bien, on peut mesurer sa position pour connaître son orbite, mesurer son flux, sa luminosité pour reconstruire son spectre et savoir ce qu'il y a dedans. Donc en général, les images qu'on montre de planètes, déjà c'est des fausses couleurs, parce que bah, déjà de base, quand on observe avec JWST, c'est dans l'infrarouge, donc c'est des couleurs qui ne sont pas visibles à nos yeux. Donc nous, on les retranscrit soit en noir et blanc, soit en fausses couleurs pour que ce soit plus joli, on va dire. Et en général, oui, on choisit, quand on fait des images à des longueurs d'onde, par exemple dans l'infrarouge proche, qui est disons plus proche des longueurs d'onde visibles qu'on connaît, on a tendance à coder nos images avec des couleurs plutôt bleues pour dire voilà, c'est la partie bleue du spectre au sein de l'infrarouge, alors que quand on observe dans l'infrarouge moyen, là, c'est plutôt des grandes longueurs d'onde, donc des fois on code nos images en rouge pour retrouver un petit peu simuler disons la gamme visible qu'on a avec notre œil. Voilà, donc là c'est typiquement ça. Ici on a codé cette image, on voit dans l'image brute qu'on l'a codée en bleu et jaune. Avec donc au centre beaucoup de luminosité dans le jaune qui indique que la lumière de l'étoile elle est très très puissante, très forte au centre de l'image, alors que autour c'est plus bleu, donc il y a moins de rayonnement de l'étoile. Et ensuite, une fois qu'on a traité l'image, on a enlevé tout ou presque le rayonnement de l'étoile qui était codé en jaune, et puis on voit simplement la petite luminosité de la planète à côté de là où il y avait l'étoile. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que chercheuse d'avoir cette image qui est la première récoltée par le James Webb ? Oui, ça c'était très très excitant. On était vraiment contents, déjà soulagés. On savait que la planète elle était là parce que la planète elle était connue. C'est ce que je disais tout à l'heure. A priori, on s'intéresse à des planètes qu'on connaît déjà pour les caractériser. Donc déjà arriver à la retrouver, ça nous a beaucoup soulagés parce que ça veut dire que le télescope fonctionne bien, que la planète était bien là et qu'on a réussi à la retrouver pour ensuite pouvoir faire nos analyses scientifiques. Donc ça c'était vraiment déjà un soulagement pour ça. La valorisation du travail en amont qu'on a fait parce qu'on a mis beaucoup de mois à préparer aussi nos programmes de traitement d'images et d'analyse d'images. Et puis ensuite, on était vraiment contents aussi dans le sens où en fait, ça a mieux marché que ce qu'on pensait parce que le télescope est encore plus stable que ce qu'on avait simulé, que ce qu'on attendait. Sa qualité optique est aussi un peu meilleure que ce qu'on attendait. Il est 10 à 20 fois plus sensible que ce qui était, disons, défini pour la mission. Donc globalement, ça fait qu'il est, on a des images qui sont encore mieux que ce qu'on attendait. Donc on était vraiment contents. Et puis bon, voilà, on voit une planète via les yeux de JWST, on va dire. Donc c'était un peu magique de voir ces images et d'avoir ce privilège de voir de participer à l'imagerie de la toute première planète vue par JWST. Quoi. Espace, frontière de l'infini. Vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Une autre image exceptionnelle a marqué l'histoire de l'astronomie. Celle du cœur de notre galaxie, habité par un trou noir. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Invisible et intangible, comment a-t-on pu en débusquer ? Nous restons à Marseille dans ce même laboratoire pour interroger un des pionniers de l'étude des trous noirs, Jean-Pierre Luminet. Une définition simple de trou noir, c'est l'idée qu'il puisse exister dans l'univers des astres tellement concentrés que leur champ de gravitation emprisonne tout, la matière mais aussi la lumière. Alors ce concept, on pourrait penser qu'il remonte à la théorie d'Einstein au début du XXe siècle, mais en fait il est antérieur. Ça a commencé avec l'idée qu'il puisse exister des astres invisibles dans l'univers, c'était à la fin du XVIIIe siècle, dans le cadre de l'astronomie newtonienne, où on pensait que la gravitation était une force d'attraction qui attirait même la lumière. Et donc, deux astronomes, l'un s'appelait John Mitchell, il était anglais, et l'autre français, le célèbre marquis de Laplace, avaient fait un petit calcul en disant que s'il existait, de façon très hypothétique, bien sûr, des astres gigantesques dans l'univers, qui faisaient 10 millions de fois la masse du Soleil, eh bien, ces astres emprisonneraient la lumière par leur pouvoir d'attraction. Après, cette idée a été complètement oubliée pendant pratiquement deux siècles, parce qu'après, on a pensé que la lumière n'était pas influencée par la gravitation. Et il a fallu attendre une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, donc publiée en 1915, pour que Einstein remette effectivement au goût du jour l'idée que la gravitation influe toutes les formes de matière et d'énergie, donc la lumière. Donc c'est effectivement la reconnaissance, la possibilité de l'existence de ces astres invisibles que l'on baptisera bien plus tard, après beaucoup de résistance, les trous noirs seulement dans les années 1960. Parce qu'il faut dire qu'au début, ces astres, ces pièges gravitationnels, donc dans la théorie d'Einstein, je rappelle, en fait, on décrit plus la gravitation comme une force d'attraction, mais comme une très forte déformation de la structure même de l'espace et du temps, qui serait en quelque sorte élastique, en la présence de corps pesants et massifs, et la gravitation s'interprète comme une courbure très forte de l'espace-temps. Et les trous noirs seraient le cas extrême, où la courbure formerait un piège, un véritable piège gravitationnel, dans laquelle, effectivement, la matière et la lumière tombent et ne peuvent pas s'échapper. Mais il y avait au début, en tout cas, dans les premières années, les premières décennies même, cette idée rencontrait beaucoup de difficultés techniques et d'incompréhension. Même Einstein lui-même ne pensait pas que les trous noirs puissent réellement exister. Et il faut attendre les années 1960 pour que réellement une théorie cohérente des trous noirs se développe. Alors justement, comment vous inscrivez dans la meilleure compréhension de ces objets théorisés mais invisibles, en l'absence d'instrumentation et de capteurs capables de voir directement parce qu'on les détecte ? Alors très très modestement, dans mon parcours de jeune chercheur, nous sommes à la fin des années 1970, après des études de mathématiques pures, je m'intéresse à l'astrophysique, j'arrive à l'observatoire de Paris, Meudon, entouré d'astronomes, je vois que la plupart des astronomes à l'époque ne croient pas vraiment à l'existence réelle de ces objets, ils sont décrits par des théories, mais évidemment, un peu par construction, ils ne sont pas directement visibles au télescope, donc leur statut observationnel est tout à fait incertain. Et un petit peu par défi, je me pose la question, est-ce qu'on peut visualiser à quoi ressemblerait un trou noir ? Alors pas le trou noir nu et seul, parce que c'est du noir sur noir, on ne voit rien, mais un trou noir entouré d'une structure lumineuse, par exemple un disque qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de gaz chaud qui est censé entourer les trous noirs, qu'ils soient d'ailleurs d'origine stellaire, les petits trous noirs, ou les trous noirs dits supermassifs, énormes, qui sont situés au centre des galaxies. J'ai toujours attaché un rôle absolument fondamental à l'imagination géométrique, c'est-à-dire avant de se lancer dans un gros programme d'ordinateur à écrire les équations, il faut toujours avoir une idée a priori, par un raisonnement géométrique, du résultat approximatif auquel on devrait aboutir. Et c'est ce que j'ai fait déjà en 1978, par un raisonnement géométrique simple, à imaginer déjà que le dessus du disque d'accrétion serait déformé sous la forme un petit peu comme un chapeau de champignon. Le fait qu'en fait la partie arrière du disque n'est pas cachée par le disque sombre du trou noir, que l'on verrait même une image secondaire, c'est-à-dire l'autre côté du trou noir, très très déformé sous la forme d'un mince halo de lumière. Et puis le fait qu'il devrait y avoir également une partie du disque qui brillerait plus fortement que d'autres parties en raison de la rotation extrêmement rapide. Tout ça, ça a été effectivement vérifié par ces calculs d'ordinateur. Je dois dire qu'à l'époque, on avait un seul gros ordinateur à l'observatoire de Meudon, un gros IBM, à carte perforée. Le programme n'était même pas capable de nous donner... Enfin, il n'y avait pas de logiciel de visualisation dans tout ce que j'avais sur ma plaque photo virtuelle, si vous voulez. C'était des tableaux de chiffres me donnant l'intensité du flux lumineux reçu à grande distance. Et puis, donc, j'ai finalisé mon image parce que je voulais publier vraiment une image la plus réaliste possible. Je l'ai finalisée à la main en traçant 10 000 petits points à l'encre de Chine sur une grande feuille de papier transparent qui jouait le rôle de ma plaque photo virtuelle. Et puis, j'ai pris le négatif du négatif pour en faire le positif. Et j'ai donc obtenu cette image qui montre un œil noir au centre, qui est l'image du trou noir lui-même, ce qu'on appelle l'horizon des événements, légèrement agrandi d'ailleurs par un effet de loupe, entouré donc d'un double halo. Un halo de lumière principale qui montre le dessus du disque déformé, avec une partie extrêmement lumineuse qui montre la partie du disque à rotation rapide, qui se rapproche donc de l'observateur à grande distance, et puis un fin halo de lumière qui entoure l'horizon des événements et qui est l'image très déformée de l'arrière du disque. We are delighted to be able to report to you today. Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que nous avons vu ce que nous pensions être invisible. Nous avons vu et photographié un trou noir. Here it is. Le voici. C'est un succès sans précédent. Ce que vous voyez ici, c'est la dernière orbite de photons. Ce que vous voyez, c'est la preuve d'un horizon des événements. Nous avons maintenant la preuve visuelle d'un trou noir. Alors cette image en noir et blanc, qui pourrait ressembler à une œuvre d'artiste, mais qui en fait est un calcul scientifique réel, et maintenant mise en parallèle avec une image qui a été obtenue tout juste 40 ans plus tard par une équipe internationale de radioastronomes et qui a été dévoilée au mois d'avril 2019, qui représente en fait un trou noir géant, 6 milliards de fois la masse du Soleil, qui est au centre d'une galaxie lointaine qu'on appelle Messier 87, M87, et un trou noir entouré précisément d'un disque de gaz chaud. Et on y voit donc également un œil noir au centre, entouré d'une couronne lumineuse jaune-orangée. C'est en fausse couleur puisque les observations ont été faites dans le domaine radio. On a codé les couleurs en fonction de l'intensité et avec une région des taches brillantes qui montrent précisément l'effet que j'avais calculé 40 années auparavant. Alors, il faut voir que ce travail avait en partie été inspiré par mon calcul de 1979 qui pendant quelques décennies avait été un petit peu oublié. Moi, je me souviens qu'en France, en tout cas, lorsque l'image a été publiée pour la première fois dans un article technique début 79, on en avait parlé un petit peu dans les revues du monde entier, surtout dans les pays anglo-saxons. Après, je me suis rendu compte qu'en France, au CNRS, auquel j'appartenais déjà, on considérait que c'était un travail un petit peu très prématuré. Et je dois dire que moi-même, à l'époque, je n'imaginais pas que de mon vivant, on puisse avoir une image télescopique. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les trous noirs en eux-mêmes, la taille des trous noirs, la taille de leur horizon des événements est extrêmement petite. Alors, elle dépend de leur masse, hein, évidemment. Plus la masse est grande, plus cette taille est grande. Mais essayer de voir directement au télescope un trou noir, ça semblait totalement impossible pour la résolution des télescopes de l'époque. En fait, en utilisant les techniques de ce qu'on appelle la radioastronomie, les radioastronomes ont compris seulement à partir des années 2000 hein, que l'on pouvait en fait mettre en réseau des radiotélescopes placés en différents points de la planète. Ça va de l'Antarctique jusqu'aux îles Hawaï, en passant par le Chili, les États-Unis et l'Europe, faire fonctionner les 8 ou 9 radiotélescopes en mode dit interférométrique, c'est-à-dire ils observent le même objet et chacun prend des éléments d'information. Et après, un énorme travail de reconstitution d'images a été fait et donc a été dévoilé au mois de mai 2019. Et c'est vrai qu'il y a une ressemblance très forte avec la simulation numérique, ce qui après tout n'est pas étonnant puisque ça veut dire tout simplement que les équations de la relativité permettant de calculer cela sont correctes, ce que l'on soupçonnait déjà. Vous l'avez dit, hein, c'est vraiment une reconstruction. Ce cliché, c'est pas une image, cet anneau lumineux qui entoure cette zone, ce cercle noir qui met en évidence la présence du trou noir. Alors quand on parle évidemment de photographie télescopique d'un trou noir, il ne faut pas imaginer effectivement un cliché comme on peut le prendre avec les télescopes optiques ordinaires, le magnifique cliché de James Webb télescope par exemple, même s'ils sont un petit peu également retouchés parce qu'ils sont en infrarouge. Mais bon, là c'est très différent, c'est-à-dire chaque radiotélescope prend quelques éléments, des pixels ou des bits d'information que l'on dit. Il y a une masse gigantesque de données qui a été recueillie, peut-être d'ailleurs je crois la plus grande masse de données recueillie dans toute l'histoire des sciences, et il a fallu au moins une année de calcul sur des supercalculateurs pour après pouvoir interpréter cette image de Messier 87, effectivement, en termes d'un trou noir géant de 6 milliards de fois la masse du Soleil. Son diamètre, c'est le réel, c'est 40 milliards de kilomètres, mais comme il est situé très loin, il faut une résolution incroyable, capable de voir en fait l'équivalent d'une pièce de Monet sur la Lune. Et donc, il n'y a qu'un radiotélescope de taille terrestre, c'est-à-dire un réseau de radiotélescopes, qui justement a été appelé Event Horizon Telescope. L'Event Horizon, c'est horizon des événements, pour avoir la résolution nécessaire pour voir un trou noir, l'horizon des événements, ce qu'on appelle l'ombre d'un trou noir, et puis son environnement immédiat. Alors, 3 années plus tard, donc en avril 2022, une deuxième image télescopique a été fournie, et c'est celle du trou noir massif qui nous fascine peut-être le plus, parce que c'est le plus proche de nous, c'est celui qui est au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, et qu'on appelle Sagittarius A étoile. Alors de façon très étonnante, en fait les images avaient été prises à la même époque, dans la même campagne d'observation qui avait été faite en 2017. Pour Messier 87, il avait suffi de 2 ans de calcul pour produire l'image. Pour le trou noir galactique, il a fallu 3 années de plus parce que c'était plus compliqué. L'explication, c'est la suivante. C'est parce qu'en fait, le trou noir au centre de notre galaxie, il est moins massif, il fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Bon, c'est déjà énorme, évidemment, mais par rapport à celui de Messier 87, il est 1500 fois moins massif. Le disque d'accrétion autour, il est beaucoup plus petit. Et donc, il est beaucoup plus variable en luminosité, parce que dans un disque de gaz, hein, le gaz tourbillonne, il y a des bulles de gaz chaud et des fluctuations de luminosité. Quand il est énorme, les fluctuations de luminosité sont étalées dans le temps. Et donc, on peut prendre un cliché relativement flou. Pour un disque de gaz très, très turbulent, il fallait complètement changer de logiciel et d'analyse de données. C'est pour ça qu'il a fallu 3 années de plus. Et donc, l'image montre à nouveau un œil noir entouré d'une couronne lumineuse avec des taches brillantes, et ce qui montre bien finalement la simplicité extrême des trous noirs, puisque finalement, indépendamment de leur masse et de leur taille et de leur distance, les effets astrophysiques qu'ils produisent sur l'environnement sont les mêmes, et donc c'est le début d'une nouvelle aventure extraordinaire, puisque l'Event Horizon Telescope va s'étendre. Il est déjà en train de s'étendre. Il y a une nouvelle campagne d'observation qui a été faite. On en prend encore le résultat. Et puis, dans le futur, on espère avoir des radiotélescopes dans l'espace. Pourquoi pas même sur la Lune pour étendre le réseau et être capable de capter donc des images télescopiques d'environnements de trous noirs moins massifs ou en tout cas plus lointains. la force la plus destructrice de tout l'univers. Rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. J'avais un professeur qui prédisait qu'à la fin des temps, le trou noir pourrait dévorer l'univers entier. Pourquoi pas? Quand on voit des gigantesques soleils qui ont été aspirés sans laisser aucune trace. Agrandissement d'image, veux-tu, Vincent? Je grossis l'image. Chaque fois que je cadre un de ces trucs, je m'attends à voir un homme tout rouge avec des cornes et une petite fourche. C'est un monstre, je suis d'accord. Une déchirure dans la structure même de l'espace et du temps. On ne peut être que fasciné, je crois, de voir cette évolution incroyable entre la première idée assez vague d'astre invisible au XVIIIe siècle et puis les images télescopiques de trous noirs décrits par la relativité générale. Et on peut se demander où est-ce que cela va aller, quel progrès encore on peut espérer. Alors il ne faut pas oublier qu'à côté des images télescopiques de trous noirs, il y a eu également quelque chose de fondamental qui est la détection à partir de 2015, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qui sont également prédites par la théorie d'Einstein. Et les ondes gravitationnelles, il a fallu construire également un siècle de perfectionnement technologique, cette fois-ci un siècle et pas 20 ans comme pour l'Event Horizon Telescope, pour construire ce qu'on appelle des interféromètres qui, eux, sont gravitationnels et capter les ondes gravitationnelles qui sont émises par des collisions entre des trous noirs. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette détection de fusion de trous noirs, c'est que on la visualise d'une certaine manière à travers un signal gravitationnel. Certains astrophysiciens se sont même amusés à en faire un équivalent sonore, très très bref, parce qu'une fusion de trous noirs et l'émission d'ondes gravitationnelles ne dure qu'une fraction de seconde. Donc on entend, quand on le place dans le niveau acoustique, on entend ce qu'on appelle un chirp, puis c'est tout, c'est extrêmement bref. Voilà. Mais en revanche, quand on fait l'analyse détaillée de ce signal gravitationnel, on apprend des choses incroyables sur les trous noirs. Par exemple, alors que l'observation électromagnétique des trous noirs ne donne que des informations pas extraordinairement précise sur les masses de trous noirs, leur quantité de rotation. Avec les ondes gravitationnelles, on a quelque chose d'incroyablement précis. On a été capable, par exemple, de dire, pour la première fusion de trous noirs, de donner à la masse solaire près la masse des deux trous noirs par an, la masse du trou noir final, et le moment où ça s'est passé, et l'endroit. Ça s'était passé il y a 1,2 milliard d'années. Et imaginez, le signal est arrivé 1,2 milliard d'années plus tard, dans l'interféromètre gravitationnel, pendant seulement une fraction de seconde. Et aujourd'hui, donc quelques années plus tard, on a un catalogue déjà de près de 100 événements représentant donc tous des fusions de trous noirs, ou parfois, des choses au moins aussi intéressantes sinon plus, des fusions entre un trou noir et une petite étoile à neutrons, et même des collisions entre étoiles à neutrons. Donc, je dis ça parce que ça représente aussi un petit peu le futur. On a une nouvelle astronomie, qu'on appelle astronomie gravitationnelle. Peut-être que certains n'ont pas encore réalisé que c'est peut-être aussi important que l'avènement de la lunette de Galilée en 1609, où on voyait effectivement pour la première fois à la lunette des choses, des astres que l'œil humain ne pouvait pas voir. Et là, avec les ondes gravitationnelles, on voit d'une certaine manière des phénomènes, on capte des phénomènes qui n'émettent pas de lumière, pas de neutrinos, rien d'autre, pas d'autres informations que des ondes gravitationnelles. Et ça permet de cerner de façon extraordinaire les propriétés tout à fait étonnantes et étranges des trous noirs. Et dans le futur, il va y avoir ces réseaux d'interféromètres gravitationnels vont également se développer dans l'espace. Il y a un magnifique projet de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle LISA, qui consiste à placer des interféromètres gravitationnels dans l'espace et assister à d'autres fusions de trous noirs, et notamment de trous noirs géants, ceux qui sont justement au centre des galaxies, parce qu'il se trouve que beaucoup de galaxies sont en collision, et chacune d'elles ayant au centre un trou noir géant, ben ces trous noirs peuvent également fusionner. Le trou noir nous aspire. À l'époque où j'ai calculer cette première image de trou noir entouré d'un disque de gaz chaud. Quelques années plus tard, je préparais une vaste anthologie de poésie d'inspiration cosmique, qui s'appelle donc Les poètes et l'univers. Et au cours de mes lectures, j'ai découvert deux strophes de Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, extraordinaire poète romantique, très tourmenté, qui publie un recueil en 1854. Donc, on a une époque où on a complètement oublié la prédiction de l'existence possible d'astres invisibles. On n'est pas du tout encore, évidemment, avec la relativité générale. Donc, c'est simplement l'intuition du poète qui lui fait écrire. Et cette idée, l'intuition du poète, l'archétype que l'on a tous en nous du gouffre profond dans lequel toute existence finit. Et il écrit les deux choses suivantes. Et c'est la plus belle légende que l'on puisse trouver à mon image de trou noir. Il écrit la chose suivante. En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Merci à Françoise Combes, Éric Lagadec, François Mignard, Élodie Choquet et Jean-Pierre Luminet. Traduction, Arjuna Andrade. Prise de son, Yann Frécy, Fabien Gosset. Mixage, Mathieu Tourin. Documentation, Annie Signoret. Documentation musicale, Antoine Villoz. Archivina, Anne Delaveau. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales. Coordination, Perrine Carvran. Les Cosmographes, Galaxie, Tracer la voie. Un documentaire de Céline Lozen réalisé par Marie Placet.